cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salat wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, faslun, fahada hukmu al-atba' al-ashqiyya, fa'amma al-atba' al-su'ada fanou'a. Dans le chapitre précédent, al-imam ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité al-atba' al-ashqiyya. Aïe, les égarés qui ont suivi imma des guides égarés comme eux, imma ils ont prétendu suivre un prophète ou un savant ou un homme pieux, et leur suivi c'est qu'une simple prétention. Dans le chapitre précédent, on a détaillé ces deux cas. Amma dans ce chapitre, il a cité al-atba' al-su'ada. Al-ashqiya, ça vient de al-shaqa. Aïe, ceux qui sont perdus. Amma su'ada, c'est ceux qui auront as-sa'ada fi dunya wal akhira. Was-sa'ada, c'est le bonheur. Qala fa amma al-atba'u su'ada fa nou'an atba'un lahum hukmu l'istiqlal wa humu alladhina qala Allahu azza wa jal fihim was-sabiqoon al-awwaloon min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال رحمه الله فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأتباع ceux qui ont suivi الحق ceux qui ont suivi الرسول صلى الله عليه وسلم et qui ont suivi ses compagnons radiyallahu anhum walladhina tabauhum bi ihsan ay ceux qui ont suivi al muhajirin wal ansar bi ihsan qala rahimahullah wa kullu man ittaba'ahum bi ihsan wa hadha ya'ummu kullu man ittaba'ahum bi ihsan ila yawm al qiyamah hadha ça englobe tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour dernier. Et tous ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Qala, wa la yakhtassu dhalik bil qarn alladhi ra'ahum faqat, aw ra'awhum faqat, wa innama khussa at-tabi'un biman ra'a as-sahaba takhsisan 'urfiyyan ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه لأن لفظ التابعين أو التابعي c'est celui qui a vu un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم هذا هو التابعي celui qui a rencontré un compagnon et il était croyant. Et il est mort à la dhalik, il est considéré comme tabi'i. C'est al-lafd al-mashhur, al-ma'ruf, pour désigner cette génération de croyants qui est venu après les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa illa fa huna qawluhu alladhina taba'uhum, huna c'est a'am, c'est plus vaste, c'est plus global. Ça englobe tous ceux qui les ont suivis. Que ce soit la génération qui sont venus juste après, ou ceux qui sont venus après, et jusqu'à nos jours, et jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est un fadl azim. Limada? Lian Allah Azza wa Jal qala radiyallahu anhum wa radu anhu. Ça nous montre, Anna, si on fait des efforts pour suivre haoula, as-sahaba radiyallahu anhum, et pour comprendre din comme ils l'ont compris, pour ne pas, et kadalik, ne pas les devancer, min babi haoula, ne pas les insulter, les critiquer, هذا بإذن الله عز وجل c'est une énorme cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de nous. قال وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره. Ça nous montre que هذا الاتباع doit être بإحسان. On doit les suivre de la meilleure manière. On doit faire attention aux passions, on doit faire attention à notre intention. Amma mujarrad al-iddi'a, dire qu'on est des suiveurs des compagnons, on est des ahl-sunnah, on est des salafiyyin, etc. Et on khalif ha'oula, c'est qu'une prétention, c'est qu'une affirmation avec la langue, et les œuvres, elles contredisent cette prétention. Allah subhanahu wa ta'ala qayyada hadha, ce suivi dans ce verset, il a été précisé bi ihsan. Qala rahimahullah, walakin tabaiyatun مصاحبة للإحسان فإن الباء هنا للمصاحبة والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته. الباء أي قوله عز وجل بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان. Le باء en arabe c'est للمصاحبة, أي leur suivi il est de telle manière, أي بإحسان. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى dans son tafsir, والذين اتبعوهم بإحسان قال أي بالاعتقادات والأقوال والأعمال. C'est quoi l'ittiba' بالإحسان, بإحسان? C'est le fait de les suivre dans la croyance. كما قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. On doit avoir la même aqida qu'eux. On doit faire des efforts pour comprendre les textes dans la croyance comme ils les ont compris. Enfin, on doit s'écarter du tahrif, du ta'til, du takif, du tamthil, du tafwid, ces égarements qui contredisent la voix de sahaba radiyallahu anhum. Enfin, si on prend le domaine des noms et des attributs d'Allah azza wa jalla, les sahaba radiyallahu anhum, ils ont accepté ces attributs sans les déformer, sans les interpréter avec les passions, iyadan billah. Enfin, ils ont affirmé, ils ont cru que Allah subhanahu wa ta'ala il descend le dernier tiers de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage, il a deux mains, il a des yeux, subhanah, il a deux yeux, comme il y a dans le hadith, inna rabbakum laysa bi'awwar. Et hakada fil hadith, inna rabbakum yanzil. Wa hakada fil Qur'an, bal yadahu mabsutatan. N'am. Et beaucoup de hadiths qu'on a étudié ensemble, fal ittiba' bil ihsan, c'est de ne pas délaisser leur voix pour une autre, comme fa'ala al-ash'ira al-muharrifa. Si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il a ses attributs, tu le fais ressembler à la créature. Ils ont délaissé la voix de ha'oula. Limadha ha'oula? Ils ont accepté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils étaient ba'id, kull al-bu'd, du tashbih et du tamthil. Ça nous montre on doit les suivre. C'est eux qui ont compris la révélation. C'est eux qui ont vécu la révélation. C'est eux qui ont pris al-ilm directement du prophète alayhi salatu salam. مثلاً si les mains dans le Coran Allah عز وجل بل يداه مبسوطتان, ça prouve qu'Allah il a deux mains. Si ça serait l'explication des mains النعمة أو القوة أو autre كما يقول هؤلاء الضلال, فالصحابة رضي الله عنهم ils nous l'auraient montré, on aurait des textes. وإلا penser que le حق il est venu après eux, فهذا c'est très très grave. وهكذا في توحيد العبادة وهكذا في جميع الدين. قال رحمه الله وبيان رابور دو الشيخ سعدي بالاعتقادات والاقوال والاعمال. On doit les suivre في هذا tout ce qui est lié à notre din, que ce soit des croyances, des paroles ou des actions, on doit les suivre. لماذا؟ لان الحق il était présent à leur époque. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a parachevé هذا الدين à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le din il est complet, la religion elle est complète et on n'a pas besoin d'ajouter une chose, on n'a pas besoin de croire à une chose qui n'était pas présente à leur époque. Abadan, hada c'est min al-dhalal. Intaha kalam Cheikh Saadi rahimahullah. Kadhalik, une autre chose importante huna, anna pour pouvoir suivre haoula, il faut étudier leur biographie. Il faut étudier مثلا أقوالهم في العقيدة. Tu as des livres ولله الحمد ككتاب الشريعة أو كتاب التوحيد لابن خزيمة أو الإبانة لابن بطة, d'autres livres. أن العلماء ils ont rassemblé leurs paroles, leurs explications في باب المعتقد وهكذا في باب الفقه. Tu as des livres مصنف ابن أبي شيبة, مصنف عبد الرزاق. C'est des livres qui ont été rassemblés par ces imams, rahimahumullah, et ils citent aqwal al-sahaba, radiyallahu anhum. On doit faire des efforts fil ilm. Kadhalik, on doit étudier leur sirah pour les suivre dans leur comportement, dans leur façon d'agir, de penser. هذا الاتباع لابد أن يكون مبنيا على العلم. Comme on répète souvent, tu ne peux pas suivre quelqu'un ou une chose que tu ne connais pas ou que tu ignores. Et c'est ça la voie des salafs. C'est de comprendre هذا الدين selon la compréhension de هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم. أما la compréhension de certains de notre époque ou de certains qui étaient avant nous من أهل الضلال, ça pousse l'insan qu'au doute. Ça pousse l'insan qu'à s'éloigner du din. لأن الله عز وجل il a choisi هؤلاء pour accompagner أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. Il a choisi هؤلاء, il les a guidés, il a accepté d'eux. فلهذا قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء c'est une génération والله الحمد qui est passée. Et ils étaient à la khir, à la huda, à la ilm. C'est les meilleurs hommes après les prophètes et les messagers alayhim as-salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala zakahum. Il est satisfait d'eux, subhanahu. On n'a plus qu'à comprendre le din comme ils l'ont compris et s'inspirer d'eux et les prendre comme modèle. Na'am. Hada qawluhu azza wa jal walladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Bi ihsan. وقال تعالى, on revient à la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه. أي قوله le premier verset والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Ça englobe المهاجرون والأنصار. هؤلاء c'était les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم qui l'ont vu, qui l'ont rencontré, qui ont vécu à son époque. Et هؤلاء c'est la meilleure des générations كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِ. Les meilleures personnes, c'est ceux qui étaient à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. قَالْ وَالْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ هُمْ كُلُّ مَنْ بَعْدَهُمْ أي كل من كان بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. On a deux versets. On a le premier donc, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Donc on a ceux qui étaient avant nous, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَرَضِيَ anhum, et on a ceux qui les ont suivis. Et on a dit, ceux qui les ont suivis, ça englobe ceux qui étaient directement après eux, التابعون, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'à la fin des temps. Thomas, tu as un deuxième verset qu'on vient de lire, le premier min surat al-Tawbah, le deuxième min surat al-Jumu'ah. Qala wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Et d'autres qui ne les ont pas rejoints ou qui n'étaient pas avec eux. Fahuna qala rahimahullah, on répète l'an, wal akharuna alladhina lam yalhaqu bihim. هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة. C'est tous ceux qui sont venus après eux. Ils n'ont pas rencontré le Nabi صلى الله عليه وسلم. Ils n'ont pas rencontré le Sahaba رضي الله عنهم. لكن ils les ont suivis. Donc, ils sont considérés les avoir suivis. Et ils auront une énorme récompense. قال فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. Donc, plutôt comme قال اللحاق والتأخر. Et le fait qu'ils ne les ont pas... Ils ne les ont pas connus, ils n'étaient pas avec eux. Hada, c'est par rapport au temps. Bien sûr, maintenant, notre époque est l'époque de Sahaba, radiyallahu anhum. Il y a des siècles, baynana wa baynahum. Entre nous et eux, il y a des siècles. Lakin, al-mahabba, ou al-aqida, ou al-ittiba', c'est un lien très très fort entre les générations qui sont venues après et cette génération et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de Sahaba, radiyallahu anhum. قال وفي الآية قول آخر. Il y a une autre interprétation de ce verset. أي قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة. يعني نطق قول قول هو آخرين منهم لما يلحقوا بهم أي et d'autres qui sont venus après eux et ils ne les ont pas rejoints, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait إلى آخره d'après cette interprétation, et ils ne sont pas comme eux dans الفضل, ils n'ont pas le même rang. هذا لا شك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم c'est أفضل الناس après les prophètes et les messagers. قال والقولان كالمتلازمين فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان فهؤلاء الصنفان هم السعداء. ابن القيم رحمه الله il a rassemblé entre les deux قول. لا شك أن il y a une différence entre nous et eux dans le temps. On est venu bien après eux, مثلا notre génération. Et كذلك il y a une différence énorme entre nous et eux dans le فضل, dans la récompense. On rassemble les deux قول. Donc on est venu après eux et ils ont une meilleure récompense, une plus grande récompense que nous, et ils sont meilleurs عند الله عز وجل que tous ceux qui sont venus après eux. على كل حال كما قال ابن القيم رحمه الله فهؤلاء الصنفان هم السعداء. نعم. Donc on doit tout faire pour faire partie de هؤلاء السعداء. Ça nous montre la route du bonheur, le chemin du bonheur. Tu veux être heureux, أخي الكريم, fais des efforts pour suivre هؤلاء رضي الله عنهم الصحابة. Fais tout pour essayer d'apprendre leurs croyances, d'apprendre leur manhaj, leur mu'amalat, que ce soit concernant le commerce, que ce soit bien sûr l'ibadat, que ce soit avec les autres, que ce soit avec les kuffars, que ce soit avec les innovateurs, que ce soit avec ceux qui faisaient des mauvaises choses. Et incha'Allah ta'ala, tu feras partie de ceux qui appliquent leur din à la basira. Et c'est ça le manhaj al-salafi, rien d'autre. لا تغتر بأعداء الله لأن أعداء هذا المنهج كثير. Ceux qui combattent cette voie, ils sont nombreux. Ils veulent faire croire que السلفيون, بعضهم ils les appellent الوهابية, أنهم c'est un nouveau دين. C'est un groupe qui est apparu. إما c'est الإمام ابن تيمية رحمه الله qui l'a fondé. إما c'est الإمام محمد بن عبد الوهاب. Ou d'autres, ils accusent كذلك des savants contemporains. كأنهم ils ont inventé un groupe. Une secte. Et pour eux, c'est de l'exagération. Abadan. La voix de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'était la voix de Ha'oula. La voix de Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, l'imam, rahimahullah, c'était la voix de Ha'oula. Et Ha'oula, walillahi alhamd, c'est as-salafiyoun, ceux qui ont suivi Ha'oula al-akhyar. As-salaf as-salih. Et là, chakana, anna min as-salaf, ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fais des efforts pour t'accrocher à cette voix. ولا تبالي بالحاقدين الحاسدين المنحرفين qui feront tout pour t'écarter de cette voie. On vit à une époque أن الكفار والمنافقين ومن تأثر بهم أو بهما من الجهال ils feront tout pour t'écarter de cette voie, pour suivre une autre, إما l'islam de France, أي pour ceux qui vivent في بلاد الكفر, ou un islam pour eux qui est adapté à notre époque, ou un islam qui est fondé sur la spiritualité at-tasawwuf et bid'a wa khurafat et shirk, ou ayadun billah, بعضهم ils appellent un islam qui est fondé sur at-tashayyu' wa rafd ay ittiba' ar-rafida, et كذلك tu trouves بعضهم ils veulent essayer de te pousser à suivre al-aqlaniyin min al-mu'tazila wa ghayrihim et délaisser les textes. لماذا؟ لأن جميع الأعداء, que ce soit كفار أو منافقين أو أهل البدع, يحاربون كلهم هذا المنهج. Ils combattent tous cette voie. Ça nous montre أن c'est la voie du bonheur, et كذلك c'est une ni'ma عظيمة. Beaucoup de gens, ils ont été privés à cause de leur péché, à cause de leur passion, à cause de leur injustice, et عياذا بالله, ça les a poussés à combattre cette vérité. قال رحمه الله وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. Il y a un autre قسم qui a délaissé la vérité, et c'est Ha'oula. Ha'oula qui ont de la science, ils ont des connaissances. وأما من لم يقبل هدى الله, لكن ils n'ont pas accepté. فلهذا استدل بقوله عز وجل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هؤلاء اليهود أنهم يكونوا الحق، لكن الكبر l'orgueil والعناد والإعراض ils se sont détournés et ils étaient à la علم. فon doit faire attention. On doit faire attention. لماذا؟ لأن العلم c'est une نعمة. لكن si ce علم il est mis en application. أما s'il n'est pas mis en application, والله c'est une fitna على صاحبه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أول من يدخل النار يوم القيامة رجل، un homme qui a appris le Coran, qui connaissait le Coran, لكن il ne le mettait pas en application. C'était que pour qu'on parle de lui, qu'on dise de lui. أنه il a une belle voix, أنه il a fait kada, أنه il a appris, أنه il a voyagé, أنه il fera partie. هذا الرجل cette catégorie أنهم ça sera ils feront partie de ceux qui rentreront les premiers en enfer. عياذا بالله. القرآن حجة لك أو عليك. تأمل هذا المثال، الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي ils ont كما في الآية حملوا التوراة، أي ils avaient التوراة. التوراة c'est كتاب من كتبهم، ومع هذا ما استفادوا. ça leur a été d'aucune فائدة. لماذا؟ لأن العلم s'il n'est pas mis en application c'est aucune faïda, il n'y a pas de profit. Aïyadam billah. Naqra bin tafsir al-Sheikh Sa'di rahimahullah, ou ma tayassar ce verset. Qala rahimahullah, qawluhu a'azza wa jal, mathalu alladhina humilu at-tawrata thumma lam yahmiluha ka mathali al-himar yahmilu asfara. Ta'ammal hadha al-mithal. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a comparés à des ânes. Et si on met sur le dos d'un âne des livres, beaucoup de livres, que ce soit le Coran al-Karim ou que ce soit Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim et des livres d'un savant, là, chacun a هذا الحمير ما سيستفيد. Il va rien profiter, c'est un âne, il n'a pas les capacités. فهكذا, ceux qui ont du ilm, لكن ils ne le mettent pas en application. C'est exactement comme un homme qui porte des livres. قال الشيخ سعدي رحمه الله لما ذكر الله تعالى منته على هذه الأمة إلى آخره قال حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من اليهود وكذا النصارى. هذه سنفائدة. C'est pas que pour les juifs. وكذا النصارى. Certains ils ont des connaissances, لكن ils délaissent à cause de l'orgueil. قال وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بما فيها وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا أو ما حملوا أو حملوا أو حملوا به. نعم. أي الله سبحانه وتعالى il leur a envoyé un message avec un livre et ils savent le haq, لكن ils se sont détournés. On doit faire attention. لماذا الإمام ابن القيم رحمه الله il a cité هذا هنا؟ Pourquoi؟ لأن connaître la voie des sahaba radiyallahu anhum, connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose et c'est obligatoire de faire des efforts fi hada, au moins avoir les bases, toutes les obligations dont on est concerné, on doit faire des efforts pour les apprendre. Lakin al-ilm kama taqaddam c'est une chose, et la mise en application c'est une autre. Fahuna ibn al-Qayyim rahimahullah ka'annahu yansah anna si tu veux faire partie de haula as-su'ada, ceux qui auront le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, fais des efforts pour apprendre la voie de Ha'oula et mets en application. Fais attention de ne pas délaisser l'ilm. L'ilm, tu pourras vouloir faire des choses comme As-Sahaba radiallahu anhum ils ont fait, ou comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait, et à cause de l'ignorance, ajouter, enlever des choses et l'insan il se fait du mal. Kadhalik, fais attention de ne pas délaisser l'amal, connaître la voix des sahaba radiyallahu anhum dans telle chose, connaître des hadith, connaître des versets, ثم ne pas mettre en application. كذلك هذا ça fait du mal. لابد les deux. On doit faire des efforts في العلم et on doit faire des efforts في العمل. العمل c'est الثمرة. C'est le fruit de هذا العلم. فعلم بلا عمل لا ينفع. C'est comme un arbre sans fruit. لا تستفيد منه. قال On revient à la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَقْسَامَ الْخَلَائِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى دَعْوَتِهِ وَمَا بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى فِي قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité dans ce hadith, qu'on va lire ensemble, incha'Allah ta'ala, trois catégories de personnes par rapport au ilm et au amal. Fata'ammal, par rapport à la science et la mise en application. قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. Ça c'est le premier groupe. استفادوا. النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé ce cœur à une terre et le علم c'est la pluie. نقرأ ابن القيم رحمه الله il a cité un كلام جميل. Donc on a fini la première catégorie. ثم قال فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. Ça c'est le premier groupe. وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس فزرعوا وأصاب طائفة أخرى. On vient de finir le deuxième groupe. Le troisième. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك, ça c'est le troisième groupe. فذلك مثل من أفقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ابن القيم رحمه الله قال فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث. Dans ce hadith, tu as trois groupes de personnes. Et ces trois groupes de personnes, elles sont citées par rapport à هذا المثال العظيم. La pluie, c'est العلم, c'est la science. قال لأن كل منهما سبب الحياة فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. لماذا العلم il a été comparé à la pluie, la science elle est comparée à la pluie. لماذا لأن la pluie c'est une cause pour faire revivre les terres mortes. Et al-ilm, c'est une cause pour faire revivre les cœurs morts. Donc tu as deux choses. Tu as al-ilm, et il est comparé à la pluie dans ce hadith. Et tu as la terre, elle est comparée au cœur dans ce hadith. قال وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث. Et dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé la terre qui accepte la pluie, qui profite de la pluie. Et Obama, cette terre, cette pluie, ça va être la cause pour que dans cette terre, des plantes, des fruits, des légumes, des arbres, ils poussent. Ah, كذا le cœur. قال كما شبه سبحانه القلوب بالأدوية في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وهكذا le cœur. Le cœur, si il est prêt à accepter هذا العلم, il va profiter جدا. ثم ça va se voir dans tout le reste du corps, comme la terre. La terre qui profite de la pluie, ça se voit. Des plantes de différentes couleurs, de différentes formes, des fruits, des légumes, des arbres. Hakada, le cœur qui profite, ça se verra dans le corps et dans les actions, dans les paroles de cet être humain. Qala, rahimahullah. Wa kama anna al-aradin thalatha bin nisbati ila qaboul al-ghayth. Wa kama anna al-aradin thalatha bin nisbati ila qaboul al-ghayth. إحداهما أرض زكية قابلة للشرب والنبات. La terre, par rapport à la pluie, est-ce qu'elle va profiter de la pluie? Même là, tu as trois types de terre. إحداهما, une terre, أرض زكية قابلة للشرب والنبات. فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج. La première terre, et c'est la meilleure, c'est la plus profitable, elle accepte cette eau. Thumma, de cette terre, beaucoup de fruits, beaucoup de plantes, des arbres, ils sortiront, ils pousseront. قال فهذا مثل القلب الزكي الذكي فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه. Cette terre qui est profitable, et كذلك, les gens ils profitent. هكذا القلب الزكي الذكي الزكي أي بالمعتقد الصحيح. Un cœur pur, un cœur qui n'accepte pas le shirk, un cœur qui n'accepte pas le khurafat, un cœur qui n'accepte pas la mécréance, بل un cœur ولله الحمد qui a été arrosé par العلم, علم التوحيد, علم العقيدة, علم منهج الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك الذكي، الذكاء الله سبحانه وتعالى يرزقها لمن يشاء. الذكاء c'est le fait de comprendre vite, c'est l'intelligence. بعض الناس أذكياء، ils comprennent très très vite. فسي ce cœur il est ذكي، أي التوحيد والعلم etc. أي il est ذكي، الله سبحانه وتعالى lui a donné une bonne compréhension. قال يثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه. نعم، الله سبحانه وتعالى il guidera cet homme ou cette femme. Ils accepteront la vérité. قال فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقه وأسرار معادنه. Ce cœur, ولله الحمد, il est prêt à accepter هذا العلم et ça se verra très très vite. Et les fruits de هذا العلم, ils se verront très très vite sur cet être humain. هذا ça nous montre que nos cœurs, on doit les préserver. كذلك on doit les travailler. Comme les agriculteurs, ils protègent leur terre et ils travaillent leur terre. Et pour que cette terre, les gens, ils en profitent de ses fruits, de ses légumes, etc. Il faut du temps. Il faut que cette terre soit travaillée, il faut qu'elle soit protégée, il faut qu'elle soit labourée, etc. Thumma la fa, il y a la récolte. Hakada les cœurs. Mais celui qui expose son cœur aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, annahum, dans ce cœur, ils mettent ce qu'ils veulent. Ils plantent ce qu'ils veulent. Ils injectent ce qu'ils veulent, comme bid'a, comme khurafat. Fala chacun a ce cœur, il deviendra malade. Thumma, quand cette pluie, elle arrivera, hadha al-ilm, al-nafi', al-tayyib, al-tahir, quand cette science, elle arrivera, min al-Qur'an wa min al-sunnah, peut-être qu'elle ne trouvera plus de place. Ou peut-être que hadha al-insan, il va comprendre hadha al-ilm, qui à la base, bien sûr, c'est la vérité, ou il va le déformer par rapport à ses passions. Fahuna, tu as une chose importante, c'est at-tazkiya. Fais tout, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qui tahar, qui purifie ton cœur des passions, du shirk, de la mécréance, etc. قال والثانية, on a fini la première terre et le premier cœur. الثانية, la deuxième terre, أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه فهذا ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراء. La deuxième terre, c'est une terre salba, elle est dure. L'eau, elle ne rentre pas dans cette terre. L'eau, elle est stable. Lakin, ceux qui passent par cette terre, ils profitent de cette eau. Imma pour arroser, imma pour nettoyer, pour beaucoup de choses. Donc, il y a une faïda, vous avez remarqué qu'il y a un bien dans cette terre. Lakin, le bien, il est beaucoup moins que la première. قال وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمع ولا تصرف له فيه ولا استنباط بل له الحفظ المجرد فهو يؤدي كما سمع وهو من القسم الثاني الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه. Ce deuxième cœur, أنه il connaît العلم, il l'accepte, il le connaît, لكن il a du mal à le comprendre. Un musulman qui aime le khayr et qui apprend des hadiths ou qui apprend le Coran et le Karim, mais pour l'expliquer, pour le montrer aux autres, il ne peut pas ou il a du mal. Ce cœur, il est comparable à cette terre. À cette terre qui retient l'eau, comme ce cœur, il retient l'ilm, mais pour faire profiter aux autres, là, il y a un manquement. قال فالأول أي البرومي كور مثل الغني التاجر الخابر بوجوه المكاسب والتجارات فهو يكسب بماله ما يشاء ما شاء. Le premier cœur, c'est comme un homme riche, un commerçant, et il sait comment fructifier son argent. فهو يكسب بماله ما شاء. Il est riche, il a de l'argent, il fait du commerce et il sait fructifier son argent. Il sait investir, etc. قال والثاني, le deuxième cœur, celui qui retient la science, mais qui a du mal à faire profiter aux autres. مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. C'est un homme riche, mais il n'a pas d'expérience. Il n'a pas de khibra. Il ne sait pas comment faire fructifier cet argent et l'investir, etc. Là, il a de l'argent et il le préserve, et il en profite. Il profite de son argent. Là, faire profiter les autres, faire fructifier cet argent, il a akhiré. Ah, là, c'est autre chose. Donc, tu as bien ces deux catégories. Ces deux catégories, fihim khair. Là, chaque que la première catégorie, c'est les meilleurs. Et kadalik, la deuxième catégorie, wallahul, c'est des croyants, lakin, ils ont des manquements dans la compréhension et dans le fait de montrer hadha al-ilm. قال رحمه الله والأرض الثالثة la troisième terre أرض قاع وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء فلو أصابها من المطر ما أصابها لم ينتفع بشيء منه. C'est une terre, et tu peux comparer une terre avec du sable, مثلا, dans les déserts. Si il pleut, l'eau elle est absorbée. Tu peux pas profiter de cette eau. Et kadalik, de cette terre, il n'y a rien qui pousse. Ni plantes, ni fruits, ni légumes, ni arbres. Voilà, chez. Cette terre, qala, fahada mitlu al-qalb alladhi la yaqbal al-ilm, wala al-fiqh, wala al-dirayata fihi, wa innama huwa bi manzilati al-ard al-bawar, allati tumbi la tumbitu, wala tahfad al-ma. Ce troisième cœur, il accepte pas l'ilm. Il le rejette, iyadan billah. Et s'il le rejette, là, chaque, il n'aura pas de fruits, des fruits, la mise en application, etc. Les malades, il rejette l'ilm, aslan. Qala, rahimahullah, wa huwa mitl al-faqir, alladhi la mal lah, wa la yuhsinu yumsiku malan. Ibn Qayyim, rahimahullah, vous avez remarqué qu'en parallèle, il a fait une autre comparaison avec le riche. On répète, la première catégorie, c'est un riche, et il sait fructifier son argent et faire profiter et augmenter ses gains, etc. La deuxième catégorie, un riche, lakin, tout cela, il ne sait pas le faire. Il a de l'argent, il garde cet argent et il l'utilise. La troisième catégorie, c'est comme un pauvre, faqirun, qui n'a pas d'argent. Et kadalik, la yuhsin yumsiku malan. Et kadalik, même si tu lui donnes de l'argent, il ne sait pas l'utiliser. Et à la base, il n'en a pas. Qala fal awwal alimun muallimun. Le résumé des trois terres et des trois cœurs. فالأول la première terre, le premier cœur, عالم معلم, quelqu'un qui a du ilm, son cœur il a accepté l'ilm et كذلك il a les capacités de le faire profiter aux autres, comme une terre qui accepte l'eau et qui fait profiter aux autres avec des plantes, des fruits, légumes, etc. قال داع إلى الله على بصيرة. Il a cette ni'ma, هذا الكنز, ce trésor dans son cœur, donc quand il parle بعلم. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من ورثة الرسل. Cette première catégorie, c'est les héritiers des prophètes et les savants. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. Les savants, c'est les héritiers des prophètes. والثاني, la deuxième catégorie, le deuxième cœur, la deuxième terre, حافظ مؤد لما سمعه فهذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر. هذا il va connaître des choses par cœur dans son cœur, min al-ilm, lakin il va faire profiter les autres qu'avec son hifz. مثلا, tu as deux personnes. واحد qui connaît le Coran par cœur, lakin il ne le comprend pas. Un autre, il le comprend, lakin il a du mal à citer le verset. Le premier, qui connaît par cœur, peut-être l'autre, il va lui demander tel verset dans telle sourate, il va lui réciter par cœur, ثم l'autre, c'est lui qui peut l'expliquer, pas le premier. هذا في خير. La mémorisation, c'est quelque chose de bénéfique. Et s'il a appris, c'est qu'il aimait cette chose, il a appris, et c'est incroyant. Lakin, le niveau, il est moindre que, bien sûr, que le premier. والثالث, la troisième catégorie, le troisième cœur, la هذا ولا هذا. Ni compréhension, ni mémorisation, ni compréhension, ni mise en application. Aucun des trois, yadam billah. قال لا هذا ولا هذا فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسا. Il n'a pas accepté la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilm, et كذلك, il fait aucun effort pour mettre en application. قال فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم فمنها قسمان سعيدان وقسم شقي. On répète le début du hadith là pour faire le lien avec tout cela. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. Donc, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les différentes catégories de personnes par rapport à al-huda et al-ilm que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a révélé quoi? Al-Qur'an et al-hikmah al-sunnah. Par rapport au Qur'an et à la sunnah, tu as trois catégories de personnes qui sont citées dans ce hadith et que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a simplifié, clarifié, résumé fi hadhihi al-risala. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min as-su'ada wa an yarzuqana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan tayyiba. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous partie na'am, de la première catégorie, ceux qui font des efforts dans l'ilm et ceux qui font des efforts pour mettre en application. ثم قال رحمه الله قال فصل وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء. La deuxième catégorie des gens qui seront heureux, الأتباع السعداء, ceux qui ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et qui sont heureux. Plutôt, ça c'est la première catégorie. La deuxième, on va voir, c'est نعم. فهذا حكم الأتباع الأشقياء فأما الأتباع السعداء نوعان. نعم. Ceux qui seront heureux, deux catégories. La première catégorie, ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr qui ont suivi An-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième catégorie, قال فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. Cette catégorie seront heureux et c'est les enfants. مثلاً, les enfants des croyants. Enfin, ils suivront leurs parents, يوم القيامة, même s'ils n'ont pas œuvré. C'est des enfants. مثلاً, les enfants qui sont morts en bas âge. Ils seront avec leurs parents يوم القيامة et في الجنة بإذن الله عز وجل. قال وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. C'est pour ça qu'il les a cités dans l'أتباع, dans les suiveurs. Ils suivront leurs parents. قال هم مع آبائهم تبع لهم. قال الله تعالى فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة. Donc, les croyants qui ont perdu des enfants en bas âge, avant At-Taklif, avant la puberté, donc ils n'ont pas œuvré, ou ils n'étaient pas pris en compte, Ha'oula, ils suivront leurs parents. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ. Et les gens qui ont cru, qui sont morts à l'Iman, et leur dhurriya, dhurriya c'est la descendance, les enfants, ils les suivront. Qala, rahimahullah, akhbara subhana, annahu alhaqa dhurriya bi'abaihim fil janna kama atba'ahum iyahum fil iman. Et ils sont considérés comme mu'minoun. Pourquoi? Parce que c'est des enfants de mu'minoun. قالوا لما كان الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات قال تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء. Vu que هؤلاء, ils rentreront au paradis avec leurs parents, لكن ils n'ont pas œuvré. Ils n'ont pas fait le salat, ils n'ont pas fait le siyam, ils n'ont pas fait le hajj, etc. C'était des enfants. قال عز وجل وما ألتناهم من عملهم من شيء والضمير عائد إلى الذين آمنوا. قال أي وما نقصناهم شيئا وما نقصناهم شيئا من عملهم. أي الله سبحانه وتعالى أخبر أن il fera rentrer ses enfants avec leurs parents au paradis et la récompense des paroles diminuera en rien et leur rend leur degré كذلك. قال بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم. Ça c'est من فضل الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé ses enfants au niveau des parents, même si les enfants, ils n'ont pas œuvré comme les parents. هذا سمينا التفضل. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il a diminué en rien la récompense des parents. Et ça, c'est la justice. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste et il donne à qui il veut. Il a donné la récompense aux parents par rapport à leurs actions et leurs œuvres. Et il a élevé les enfants, même si ils n'ont pas œuvré. لكن الله سبحانه وتعالى يفسر كل ذلك. قال بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع مع توفيتهم أجور أعمالهم فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذريتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم. نعم هذا من فضل الله عز وجل. قال ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله كما قال هنا فضلا من الله même s'ils ont pas œuvré Allah subhanahu wa ta'ala il les a élevés Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. Et كذلك c'est par rapport aux parents. Les efforts des parents et l'épreuve que les parents ils ont subi en perdant cet enfant, Allah subhanahu wa ta'ala, il élèvera cet enfant au niveau de ses parents fil jannah. Ça nous montre un celui qui perd un enfant en bas âge, alhamdulillah. Yasbir, il faut patienter. Fais des efforts, adore Allah subhanahu wa ta'ala, suis un Nabi alayhi salatu wassalam, et cet enfant tu le retrouveras fil jannah. C'est une séparation temporaire, faqat, fil dunya. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il rassemblera les enfants des croyants avec leurs parents croyants fil jannah. Qala, na'am, thumma lamma kana hadha al-ilhaq fi thawab wa darajat fadlan min Allah, farubbama waqa'a fil wahm anna ilhaq al-dhurriyati aydan hasinun bihim fi hukm al-adl. فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء. نعم ثم واحد il aurait pu comprendre en lisant le début du verset que هكذا si les parents ils font des mauvaises choses fait les enfants ils auront la même punition. Allah Azza wa Jal قال كل امرئ بما كسب رهين. Les enfants ils auront jamais à subir les fautes de leurs parents. Les enfants qui sont morts en bas âge et leurs parents, مثلاً, ils sont morts à la al-kufr, ou sur des péchés, les enfants, ils n'auront pas à subir le châtiment. Abadan. Amma, les enfants des kuffars, est-ce qu'ils rentreront fil jannah? C'est un autre sujet. L'imam al-Qayyim, rahimahullah, il l'a détaillé fi tariq al-hijratayn avec un tafsil tayyib. Wa hakada l'imam al-Qayyim, rahimahullah, fi hadi al-arwah, ila bilad al-afrah. Et les savants, ils ont détaillé ce sujet. Wa al-hasil, anna alladhi yadhar, c'est que les enfants des kuffars, ils seront testés yawm al-qiyam. Certains savants, ils disent qu'ils rentreront fil jannah, et d'autres savants, ils ont rajah annahum yumtahanoun yawm al-qiyam. Ils seront testés yawm al-qiyam. Comme ceux qui n'ont pas reçu de messager. Comme ceux qui n'avaient pas la raison. Il a arrêté, fa hadhihi al-aqsam, vu que fi dunya, ils n'ont pas pu œuvrer, ou ils n'avaient pas la capacité d'œuvrer, fa yawm al-qiyam, ils seront testés. فهذا الذي يظهر بعض العلماء يقولون أنهم يرنتخون في الجنة et ce sujet العلماء ils l'ont détaillé. على كل حال on a cité هذا هنا أن les enfants ils auront jamais à subir les erreurs les égarements de leurs parents. لا قال عز وجل كل نفس بما كسب أو كل امرئ بما كسب رهين. Et dans l'autre verset كل نفس بما كسبت رهين. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Amma les bonnes actions, فهذا c'est تفضل من الله. مثلا l'enfant il a rien fait, il a pas fait le salat, il a pas fait le siyam, il a pas fait le hajj. لكن الله سبحانه وتعالى lui donne la récompense. هذا c'est من باب الرحمة والكرم. الله il donne à qui il veut. Amma les châtier pour une chose qu'ils n'ont pas fait, là هذا c'est de l'injustice. Et الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم. حرمت الظلم على نفسي. هكذا قال عز وجل dans le hadith القدسي. قال رحمه الله قال وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء. نعم نعيد. قال وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء أو بفهمهما من شاء أو من نعم بفهمها. نعم بفهمها التي يختص الله بفهمها من شاء. فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم سعدائهم وأشقيائهم السعداء المتبوعين والأتباع والأشقياء المتبوعين والأتباع. Tous ces versets qu'on a vu, ولله الحمد, on a vu les différentes catégories. Les égarés, les guides égarés et leurs suiveurs égarés. Les égarés qui prétendent suivre des prophètes ou des imams guidés. Et كذلك, ceux qui sont guidés et qui suivent, walillahi alhamd, la vérité. Donc tu as deux groupes. Tu as al-su'ada et tu as al-ashqiya. Tu as ceux qui seront heureux et ceux qui seront malheureux. يوم القيامة. قال: فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة. نصيحة جميلة. En tant qu'être humain que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, en tant qu'être humain qui rendra des comptes يوم القيامة, pose-toi cette question. Tu sais que l'an il y a deux groupes, fariqun fil janna, fariqun fil sa'ir. Ashabu al-yamin, ashabu al-shimal. As-su'ada al-ashqiya. Tu as deux groupes. Ceux qui seront heureux, ceux qui sont guidés, ceux qui ont suivi les messagers, ceux qui iront au paradis. Et tu as les malheureux, les égarés, ceux qui rentreront en enfer. Tu as ces deux groupes. Et bien sûr, ces deux groupes, chaque partisan des deux groupes, ils ont différents degrés. Al-Iman yazid wa yanqus et al-kufr darakat. Il y a plusieurs niveaux. Alors, on doit se poser la question. Fa'al al-aqil al-nasih. Ta'ammal. C'est pas n'importe qui va se poser cette question. Al-aqil. Al-aqil, c'est celui qui raisonne, celui qui réfléchit. Al-nasih li nafsi. Al-nasih li nafsi, c'est celui qui se conseille lui-même, qui veut du bien pour lui-même. An yandura min ayy al-aqsam hu. Ça nous montre que l'aqil al-nasih, c'est pas celui qui pense qu'à dunya. C'est pas celui qui a réussi fi dunya. Comme min al-ashrar, min al-fujjar, ils ont réussi fi dunya. Beaucoup plus que savants et prophètes. Alayhim as-salatu wassalam. Beaucoup de prophètes, ils étaient pauvres. Enfin, la réussite fi dunya, et l'argent, etc. C'est pas ça al-mizan. Al-mizan, c'est hala. Donc, al-aqil al-nasih li nafsihi, il se pose cette question. Il se pose cette question. Est-ce que je fais partie de ce groupe ou de ce groupe? Et chacun connaît son nafs. قال ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة. Deux choses. Fais attention à l'ada. Fais attention à التقليد. Fais attention les coutumes. Fais attention dans mon pays font. Fais attention à Anna, je suis comme ça. Evident. Corrige-toi. ويخلد إلى البطالة. Fais attention à الدنيا. Ça s'arrêtera un jour ou l'autre. Il y en a cette question, elle est très très utile tant que tu es vivant, Akhil Karim. Cette question, c'est une question qu'on se pose avant qu'elle nous soit posée, Yawm al-Qiyam. Avant qu'elle nous soit posée dans la tombe. Man Rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Al-Su'ada, ils répondront. Al-Ashqiya, ils répondront pas. Donc, hasib nafsak al-an. Hasib nafsak, tout seul. Tout seul, demande-toi des comptes. Jour après jour. Année après année. قال فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده والله ولي التوفيق والنجاح. Si l'insan il fait partie de la bonne catégorie, de la meilleure catégorie, de ceux qui ont été guidés, etc. Fait des efforts, تنتقل إلى ما فوق. Il fait des efforts لأن le qisme de As-Su'ada, la catégorie des gens qui sont heureux, fi dunya wal akhirah, il y a plusieurs degrés. Fais des efforts. Fais des efforts pour t'améliorer. Si on prend l'exemple du ilm, fais des efforts pour apprendre encore plus. Il y a toujours une possibilité d'apprendre plus. Si on prend l'exemple de l'amal, la mise en application, fais des efforts pour mettre en application encore plus. Ça nous montre an al-aqil an-nasih, il se pose des questions. Il se remet en question, il se demande des comptes à lui-même, et kadhalik, il s'améliore. Il ne regarde pas que les autres. Il ne regarde pas que les autres, et il n'essaie pas de trouver des fausses excuses. Je suis comme ça, plus tard, etc. Là, an-nasih li nafsihi, c'est celui qui se pose les bonnes questions, et qui se corrige. قال وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان. Si l'insan والعياذ بالله il fait partie de la mauvaise catégorie, l'ashqiya, imma kafir, imma un innovateur, عياذ بالله, imma autre من هؤلاء الأشقياء, il fait des efforts pour basculer dans la bonne catégorie. قال في زمن الإمكان, لكن avant qu'il ne soit trop tard. Cette durée, elle est déterminée. Allah subhanahu wa ta'ala, chacun de nous, il l'a créé et il lui a donné une durée de vie précise. Cette durée de vie précise, c'est le moment pour faire cette hijra, le sujet de ce livre. Et tu as cette possibilité, ce voyage, Emma, être avec les gens heureux qui ont suivi Rasoul Aïssa Salam, et même avec les gens malheureux, Iyadan Billah, qui ont suivi leur passion, la mécréance ou les innovations, fais tout. Tant que tu es encore vivant, tu as encore possibilité de changer de trajectoire. Comme un voyageur. Maintenant, Wahid, il se trompe et tu lui montres. Il veut aller à un point A, un point B. Ouais, il se trompe, il est parti loin. Tu lui montres, il peut revenir. Il aura perdu du temps. Il a arrêté là qu'il revient. Il suit le bon chemin, il sera avec les gagnants. Hakada, cette vie, ce voyage qu'on a tous emprunté, que tu le veuilles ou non, quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu as commencé ce voyage. Enfin, on est tous concernés. Enfin, fais tout pour faire partie de ceux qui ont pris la bonne route. As-siratu al-mustaqim. Hablullah azza wa jal. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa la tafarraqu. Fais tout pour faire partie de ha'oula. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Qala qabla an yaqul ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila. Fais tout pour te corriger avant iyadan billah de faire partie de ceux qui diront hadha al-kalam. Ya laytani, ay si seulement takhadtu ma'a ar-rasul sabila. Si seulement j'aurais suivi le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Fa alhamdulillah, on est fi ni'ma. On est fi afia. On est fils salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné beaucoup, il nous a facilité kathiran. On n'a plus qu'à suivre à sirat. On n'a plus qu'à faire des efforts. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite, qu'il nous rajoute de ses ni'am. Et on lui demande à Azza wa Jal qu'il nous fasse mourir ala al-islam wa sunnah wa tawhid. Naktafi bi hada. Et on passe au dars suivant, inshallah ta'ala.